Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, La Manif est à nous, une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Annabelle Brouard. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que quand on a été traumatisé par les violences policières, quand on a marché entre nation, Bastille et République, on peut se demander à qui appartient la manifestation et constater qu'elle n'est pas forcément de gauche. Surtout si on pense au ballon rose et bleu qui ponctuait les cortèges en 2012. Et dans vos oreilles aujourd'hui, un animateur né, ancien scout, qui a fait marcher les foules au rythme de ses enceintes et de ses animations vidéo, une ancienne star des nuits parisiennes, des convictions, des prières et des croyants. Mais pour commencer, troisième épisode, la manif est un lieu de rencontre et il est ouvert à tous et surtout à tout. Au cours d'une manifestation, on rencontre à chaque fois des gens super, des gens qui partagent nos valeurs, des gens éveillés, on va dire, qui sont conscients que... qu'on nous enfume, qu'on est dans la matrice. Moi, je prie beaucoup pour l'éveil des consciences, disait madame, et pour la protection de la Terre. Je trouve important que les gens se retrouvent pour chanter leur foi en Dieu, pour se réunir, parce que comme ici aux manifestations, c'est important de faire corps. Et l'Église, avant tout, c'est le corps de tous les chrétiens réunis. Il y a un moment mariage pour tous dans le catholicisme français. C'est-à-dire que c'était, à mon avis, impossible, ou très difficile en tous les cas, pour des catholiques engagés, soit par une pratique religieuse, soit par un engagement de type associatif, ou tout simplement par les interpellations publiques dans les médias, dans la rue. C'était impossible d'échapper au moment mariage pour tous. Il y avait une contrainte très forte qui a pesé sur le monde catholique. C'était une sorte de contrainte d'unanimité. Comme si, à ce moment-là, être catholique, c'était condamner le projet de loi d'ouverture du mariage aux couples de même sexe et, mieux même, descendre dans la rue pour rejoindre les cortèges de la Manif pour tous. La Manif pour tous. Dans la rue, on se lève, dans la rue, on se lève. Génération anti-pax. C'était, bon, la musique était à chier. Mais moi, à l'époque, j'ai trouvé que c'était... complètement génial et un bon slogan, c'est, ça se bosse, mais c'est essentiellement musical. Et oui, pour la vie, pour les tout petits, assez sauvons les bébés, par exemple. Bon, ça, c'était un truc qui était repris d'un CGT ou quelque chose comme ça. Ça sonne. Émile Duport, régisseur de la Manif pour tous. Moi, j'ai été scout et dans les scouts, on fait ce qu'on appelle des bancs. Et les bancs, c'est les trucs un peu où tout le monde gueule un truc en même temps, mais du coup, ça a un rythme, ça a quelque chose de presque tribal. Je pense qu'il faut un peu se défaire d'un préjugé qui est d'identifier la rue à un répertoire d'actions qui serait propre aux gauches. La droite n'a pas négligé la rue et il y a un certain nombre de mobilisations de droite depuis le début du siècle. Yann Raison du Clusiou, sociologue. Que ce soit les résistances aux inventaires qui succèdent à la loi de 1905, que ce soit... les grandes mobilisations contre le cartel des gauches en 24-25, si on prend les droites dures le 6 février 34, et puis plus récemment celle du 30 mai, donc 1968, en faveur du général de Gaulle. Et puis il y a ensuite cette très grande manifestation de 1984 en faveur de l'école libre. Donc au sein des droites et des droites catholiques, il y a une expérience de la rue, mais c'est une expérience, on va dire, moins ordinaire. Je n'organise jamais une manif pour moi. Et d'un ordre général, si vous observez bien, les chrétiens ne manifestent jamais pour eux. Ils manifestent toujours pour autrui. Et c'est intolérable pour beaucoup de gens parce qu'en fait, dans une société qui pense qu'en fait le bien est de l'ordre du subjectif et de ce que tu définis pour toi-même, qu'il n'y a plus, entre guillemets, de prétention au bien commun en général, c'est perçu comme une agression de dire « mais de quoi se mêle-t-il ? » C'est souvent quelque chose qui revient. Mais en fait, c'est le principe de la charité de se mêler de ce qui ne regarde pas. C'est quand quelqu'un va mal et qu'on va le voir quelque part, on transgresse son intériorité. Pour moi, le Christ, il s'est mêlé de ce qu'elle ne regardait pas, quoi. J'estime qu'une manif réussie, c'est une manif qui lance une dynamique plutôt que quelque chose qui marche forcément et qui a des résultats à court terme. Enfin, et je pense que toutes les grandes manifestations, en fait, ne peuvent se juger un peu comme une œuvre d'art qu'avec des années. La manif pour tous, ça n'est pas un mouvement spontané qui serait sorti de nulle part, c'est un mouvement qui bénéficie de l'expérience militante accumulée au sein du catholicisme conservateur depuis les années 1990. Pour moi, il y a un tournant important qui s'opère à l'occasion de deux lois. Il y a la première loi bioéthique en 1994, et puis il y a l'adoption du PACS en 1998-99. Ces lois, ce sont des lois qui concernent une biopolitique, c'est-à-dire qui concernent finalement la définition des usages légitimes du corps. Or, le catholicisme, il a reconstruit un front d'opposition, on va dire, avec l'évolution de la société sur les usages du corps, et ceci à partir de 1968 et de l'encyclique Humanae Vitae du pape Paul VI, qui arrive donc juste après mai 68, donc qui affirme que l'usage des contraceptifs n'est pas légitime d'un point de vue éthique pour le pape. Et donc à ce moment-là, il y a une déchirure au sein du catholicisme entre toute une partie de la fine fleur des militants catholiques qui à cette époque sont plutôt orientés vers la gauche et qui considèrent que cette encyclique Humanae Vitae, elle vient complètement briser le processus finalement de réajustement entre le christianisme et les aspirations de la société qui était à l'œuvre depuis le Concile Vatican II. Et puis, on a là les catholiques qui sont plus conservateurs, qui étaient, on va dire, réticents à l'égard des évolutions du Concile Vatican II et qui sont franchement horrifiés par ce qui se passe en mai 68, qui voient une opportunité et vont utiliser ces questions de morale sexuelle dans le rapport de force interne à l'Église pour réaffirmer leur légitimité en tant que catholiques. Ce groupe catholique conservateur, il va monter en puissance jusqu'à aujourd'hui. Comme on a une masse du catholicisme qui se rétracte, eh bien, le profil de ceux qui restent reconfigure le visage de l'Église. Allô, SOS Future Mère, je vous écoute. Oui, madame. Quel est votre problème? Vous attendez un bébé? Bon. Et vous êtes en difficulté? On a eu plusieurs phases dans l'évolution du militantisme pour défendre donc cette dite loi naturelle par les catholiques. En réaction à la loi Veil, à partir donc de 1973-1974, on a une nébuleuse de petits mouvements pro-vie, anti-avortement, qui se constituent et qui vont tenter plusieurs formes de militantisme. Tout d'abord, une aide aux mères, c'est-à-dire par exemple des lignes téléphoniques ouvertes pour les jeunes mères qui hésiteraient à avorter afin de les inciter à ne pas avorter ou afin de leur apporter une solidarité matérielle qui pourrait contribuer à ce qu'elles gardent l'enfant. Vous savez que votre bébé est un petit être humain qui vit en vous, qui dépend de vous, dont vous êtes la maman déjà, n'est-ce pas? Vous n'avez pas l'impression, mais c'est pourtant comme ça. Vous comprenez? Et si vous êtes à la sécurité sociale, vous êtes prise en charge. N'est-ce pas? Tout ne coûte pas de l'argent tout de même. N'est-ce pas? Comment vous appelez? Un prénom? Marguerite. Alors, écoutez Marguerite, si vous gardez votre bébé, vous allez peut-être avoir des difficultés. Mais de toute façon, vous aurez gardé votre enfant. Mais si vous faites ce que vous pensez, n'est-ce pas? Vous allez détruire votre enfant. Et c'est la seule chose qui soit irréparable. Vous comprenez? Et puis, un mouvement qui cherche aussi à scandaliser dans l'opinion publique autour de la question de l'avortement. Scandalisation par l'analogie, avec une comparaison entre les masses d'embryons qui seraient avortés et la destruction des Juifs d'Europe, en disant qu'on a là deux génocides silencieux, donc faire apparaître le pouvoir en place, institué comme exerçant une forme de domination analogue à la domination nazie. Et puis, bien sûr, c'est ce qui place aussi les militants anti-avortement dans le camp de la résistance. Mais on reste toujours plutôt quand même dans des micro-causes, micro-mouvements. Et d'ailleurs, en raison de la faible portée de ce militantisme anti-avortement, il va y avoir une radicalisation du mouvement. Radicalisation à partir de la fin des années 80, début des années 90, avec le recours à la technique des commandos. Les commandos, ce sont des petites équipes qui vont directement chercher à empêcher les avortements en intervenant dans les cliniques où ceux-ci sont pratiqués. Cette radicalisation, elle parachève de délégitimer ce mouvement. Donc ce militantisme catholique, il est en déclin, mais il va avoir un rebond. En 1998, un nouveau mouvement anti-avortement qui est créé, c'est le mouvement des survivants. Survivants, c'est un, on va dire un mouvement d'agit-prop qui avait pour but de reposer la question de l'IVG à la société, mais dans une forme très interrogative. Le discours a été simple, c'était de dire il y a 220 000 avortements sur 800 000 naissances, donc j'avais une chance sur 5 d'y passer. Je suis donc un survivant statistique, mais certains d'entre nous, on a un frère ou une sœur qui ont été avortés, et pas nous. Et on a dans le cœur cette question existentielle de dire pourquoi lui n'a pas le droit de vivre et moi j'ai eu le droit. C'était un modèle assez novateur, c'était proche des militants de Sea Shepherd ou de Greenpeace, quoi. Il y avait des survivants qui hackaient les abribus, qui hackaient les métros. On récupérait des phénomènes sociologiques comme le jeu Pokémon Go pour investir les arènes de jeu avec des faux QR codes ou des choses comme ça. Et quand on a un message à faire passer, surtout que toute vie vaut la peine d'être vécue et qu'en gros, on a une déficience d'espérance par rapport aux enfants à naître, bah, si on le fait en tirant la gueule, c'est un contre-témoignage, je veux dire, le discours est illisible. Moi, je vais être le Charles de Gaulle du troisième millénaire à l'époque. Je prends la cause la plus craignos et la plus juste qui soit, ça tombe bien, c'était la même, et je la travaille, et je dis j'ai trouvé mon truc. Moi, quand j'ai créé la Life Parade, qui est la première manif vraiment que j'ai organisée, je voulais justement casser le côté manif, et c'était l'apparition des Love Parade, des Gay Pride, qui dans leur forme étaient géniales. Du coup, l'idée, c'était de créer déjà un dialogue sociétal qui s'appuyait sur du merchandising, donc des produits dérivés, qui s'appuyait sur de la création musicale, qui s'appuyait sur l'appropriation de certains termes. Il y avait quand même cette idée d'écologie, bon, maintenant elle est omniprésente, mais quand j'ai commencé la Life Parade, c'était des termes qui étaient très très peu déployés. Et on travaillait sur l'amour durable, sur le sexe équitable, sur des choses comme ça, bon, qui paraissent maintenant très maladroites, etc., mais qui à l'époque étaient somme toute assez novatrices, parce qu'on récupérait le langage écolo pour l'inscrire dans une anthropologie qui était la nôtre. Cette, on va dire, expérimentation autour des survivants, elle va bénéficier au mouvement anti-pax, hein, qui se forme à partir de 1998, le mouvement qui va organiser la grande manifestation de 1999, c'est le mouvement qui s'appelle Génération anti-pax. Génération, cela afin de faire jouer aussi la question de la jeunesse. Et tout le cortège va être habillé avec des t-shirts de couleur, des ballons, de la musique, des chars sur lesquels des jeunes dansent du hip-hop, afin de maintenir cette image jeune à cette protestation conservatrice. On a là, voilà, une étape de rajeunissement et qui va monter en puissance jusqu'à la Manif pour tous. La Manif pour tous, il ne faut pas imaginer qu'elle était téléguidée par les évêques. Ça, ce serait complètement faux. Ce n'est pas l'instrument laïque d'un projet clérical. Céline Béraud, sociologue. Alors, quand même, la première étincelle de la mobilisation, elle vient d'un évêque et elle prend une forme liturgique. L'archevêque de Paris, qui est aussi président de la conférence épiscopale, qui a compris que François Hollande allait appliquer son engagement de campagne, réactive une espèce de vieille pratique qui était tombée en désuétude, c'est la prière pour la France. Donc, c'est-à-dire qu'une proposition de prière universelle qui était de prier pour les enfants victimes des désirs égoïstes des adultes. Prions pour celles et ceux qui ont été récemment élus pour légiférer et gouverner, que leur sens du bien commun de la société l'emporte sur les requêtes particulières et qu'ils aient la force de suivre les indications de leur conscience. Prions pour les enfants et les jeunes. que tous nous aidions chacun à découvrir son propre chemin pour progresser vers le bonheur, qu'il cesse d'être les objets des désirs et des conflits des adultes pour bénéficier pleinement de l'amour d'un père et d'une mère. Mais très vite, il y a le collectif de la Manif pour tous qui se constitue. Donc c'est des laïcs qui sont aux commandes, qui viennent de ce monde associatif et militant préexistant, Alliance Vita, mais il y a aussi les associations familiales catholiques qui regroupent un certain nombre de militants et de militantes. Et c'est vrai que, ils vont mener leur combat de manière autonome. Hein, et c'est des laïcs, et c'est aussi, c'est assez habile aussi, c'est des jeunes, mais c'est aussi des femmes, par exemple. Je me vois encore avec mon bébé dans les bras. Je venais d'avoir un petit bébé. Je me suis fait le dérouler dans la tête, en fait. Je me suis dit, bon, le mariage pour tous, c'est qu'une étape. C'est sûr que derrière, il y aura l'adoption, il y aura surtout la PMA et la GPA. J'en étais convaincue, parce que j'avais déjà un peu réfléchi à ces sujets. Madeleine, manifestante. Et je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas faire ça à des enfants, en fait. En fait, je faisais partie d'une association familiale catholique, donc les ASC, qui sont assez connues en France. Et donc, on travaillait un peu ces sujets régulièrement, en dehors des petites activités qu'on proposait pour les familles. J'avais beaucoup travaillé sur la question des révisions des lois de bioéthique. Et du coup, j'avais quand même un peu des idées assez claires, quand même. Et en fait, c'est cet engagement associatif, très clairement, qui m'a permis aussi de m'engager et puis d'essayer de participer à la mobilisation, en fait. L'univers catholique, il y a toute une conflictualité interne, et cette conflictualité, y compris au sein du camp conservateur, on peut la repérer autour des manifs. La manif pour tous, elle s'inscrit dans une petite séquence après l'élection de François Hollande. François Hollande donc s'était engagé dans son programme à ouvrir le mariage aux personnes homosexuelles, et donc, après son élection, Civitas, dès le mois de septembre, annonce qu'il va organiser une manifestation. Civitas, qui est un mouvement intégriste catholique, plus lié à Mgr Lefebvre, et qui est un mouvement donc qui a une double contestation, contestation de la société qui est jugée comme totalement décadente, mais contestation également de l'Église catholique qui est considérée comme décadente, attiédie par le Concile Vatican II. Civitas organise des cortèges extrêmement confessionnels, avec des prières de rue, des prières à genoux, des processions derrière des cierges, derrière des bannières, et toute une partie des catholiques, y compris conservateurs, considère que c'est totalement contre-productif. La nébuleuse catholique conservatrice ne souhaitait pas manifester, redoutait l'organisation d'une manifestation, ayant peur d'être de nouveau stigmatisée comme la France des Loden, des Barbours, comme en 1999, voilà. Mais sauf qu'à partir du moment où Civitas a annoncé qu'il allait faire une manifestation, ne pas organiser de manifestation, c'est potentiellement laisser à Civitas le monopole de l'image publique de la contestation, donc de ce qui devient la loi Taubira. Civitas, c'est une grosse caricature quand même, globalement, et puis il mélange tout, quoi. Honnêtement, ça n'a rien à voir avec une conviction religieuse. Enfin, c'est simplement humain, quoi. On avait très à cœur, quand même, au départ, de dissocier ça de toute pratique religieuse ou conviction religieuse, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on se retrouvait avec des gens qui n'avaient pas du tout les mêmes convictions que nous. À Grenoble, on a fait connaissance d'associations musulmanes. Après, il y avait des gens complètement... confessionnel, enfin voilà. Et du coup, on n'avait pas du tout envie de ça, quoi. L'idée, c'était vraiment de réunir le maximum de personnes de tous les horizons. C'était surtout pas d'aller sur des clichés, quoi. D'aujourd'hui, du 17 novembre, est initié la manif pour tous par des citoyens anonymes. Nous demandons un référendum sur ce projet de loi. C'est Frigide Barjot qui, avec une petite équipe, va prendre l'initiative d'organiser une manifestation le lendemain d'ailleurs de la manifestation organisée par Civitas. Et Frigide Barjot soigne énormément sa communication, c'est une professionnelle de la communication, c'est une professionnelle des médias. Elle prépare le lancement de son mouvement avant, elle est reçue, il y a un grand article aussi dans le Figaro, qui la présente d'une manière iconoclaste, elle joue beaucoup de son image iconoclaste, et c'est vrai que imaginer un mouvement catholique mobilisé derrière une Frigide Barjot, ça paraît assez improbable. Elle va imposer une communication très festive, elle va tout faire pour éviter de potentiels dérapages homophobes, elle cherche complètement, si vous voulez, à éviter par avance la stigmatisation d'homophobie, promouvant une contestation de cette ouverture du mariage aux personnes de même sexe, mais non pas tant en raison de l'homosexualité qu'en raison de la question de la filiation qui serait nécessairement bousculée par cette évolution du mariage. Donc voilà, il y a une volonté de ne pas se placer dans l'opposition finalement à la cause homosexuelle, mais plutôt de placer le combat sur la question de l'enfance, sur le droit des enfants à avoir un père et une mère. Nous ne sommes pas contre l'homosexualité, les homosexuels et l'âme homosexuelle. Il y a peut-être effectivement une catégorie un peu âgée qui n'a encore pas tout compris et à qui nous sommes en train de faire comprendre que l'homosexualité existe dans notre société et qu'elle a le droit à tous ses droits, mais que l'enfant a le droit au sien aussi. C'est pas du tout mon style. J'étais même un peu interrogative, quoi. Je me suis dit, ah non, non, c'est pas possible, elle va déraper, elle est un peu faux-folle et tout, c'est pas notre style. En fait, très rapidement, elle m'a assez plu parce que je trouvais qu'elle était très audible. Elle était en dehors des cases dans lesquelles on voulait nous enfermer, en fait. Elle pouvait toucher tout le monde et son côté décalé très vite m'a plu, en fait. Il y a un moment où mon mari, on l'appelle, on lui dit, écoute, il y a Frigide Barjot qui est en meeting à Valence et il y a des gens qui veulent l'entarter, il faut absolument qu'on vienne pour lui servir de service de sécurité. Donc mon mari, qui est pas du tout là-dedans, s'est retrouvé à faire ça en fait et à repérer qui allait lancer la tarte. Ils avaient tout prévu hein, pour la nettoyer, tout ça, pour l'exfiltrer, enfin c'est drôle en fait. Nous, on n'est pas du tout dans ce trip-là à la base et on s'est retrouvé complètement parachuté dans cet univers-là qui était étrange en fait pour nous. Je me revois encore à Saint-Ouen en train de bouffer avec une copine dans les petits restos qui sont au milieu du marché là. Et de lui dire, ah bah j'anime une manif demain, tu veux pas m'aider? Tiens, voilà mes notes. Une copine qui avait animé 2-3 manifs, marche pour la vie avec moi. Et elle, benoîtement d'accepter, naïvement, en se disant, bon, après tout, j'ai rien à foutre demain, c'était samedi pour dimanche. Et elle m'appelle le lendemain, moi je suis à la bourre à chaque fois que j'arrive à une manif, elle me dit, mais attends Emile, c'est quoi ce délire? Toutes les stations sont bloquées, il y a des mondes partout, c'est pas cette manif qu'il faut qu'on anime quand même. Moi, je m'attendais à une manif d'Aubé, comme toutes celles qu'on anime, c'est avoir 10-15 000 personnes, quoi. Et là, effectivement, place d'Enfer Rochereau, noir de monde. Je monte sur cette estrade et je pense que c'est la première fois que j'étais fébrile au micro, quoi, en me disant, je vais prononcer des mots qui vont être entendus potentiellement par 100 000 personnes, c'est quand même waouh. Et donc, je prends, et évidemment, comme d'habitude, je me chauffe, et puis ça se passe très bien. Frigide arrive, fait son numéro, et après part en robe de mariée à la tête du cortège. Et là, je comprends qu'il y a un truc de fou qui se passe. Parce que j'en ai fait 2-3 des manifs, et donc je sais qu'avec la com pourrie qu'il y avait, voir autant de monde, c'est qu'il y a un climax, ce qu'on appelle. Hein. C'est-à-dire que là, ouais, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc moi, je descends de l'estrade, et déjà, je suis dans la manif d'après, et je dis directement à Albéric Dumont, Frigide, Ludovine et compagnie, moi, je vais être en régie. Enfin, il y a trop de boulot à faire, donc je repasse en régie. Cette vaste mobilisation des manifs pour tous, c'est une étape vers un rassemblement encore plus large, encore plus massif, de toutes les forces d'opposition au projet de loi Mariage pour tous. Et du coup, là, s'ensuit des manifestations où, en fait, si on cumule les PAF bonne preuve d'ailleurs qu'il y avait un monde fou, c'est que on avait un financement principalement par des participations du public et qu'on collectait de 500 à 700 000 euros par manif. C'était des portiques. Enfin, en gros, il y a des barrages avec des petits. On essaie de mettre des minettes parce que ça marche toujours mieux, souriantes. Et puis, évidemment, on met des grands sacs. Et puis, ça donne. Il n'est pas possible que demain, un enfant, sur son acte de naissance, ait marqué Caroline, née de Jean-Pierre et Nicolas. Pourquoi ? Ben parce qu'il n'y a pas d'ovule dans les testicules. Cette loi m'a rendu hors de moi. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on en arrive là, quoi. Donc, du coup, je me dis, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut réunir une certaine somme d'argent pour imprimer des tracts, faire des spots et puis mettre sur les réseaux sociaux, etc., pour communiquer. Édouard Duparc, manifestant. Vous tapez dans votre relationnel, des gens qui sont chefs d'entreprise, puis vous déléguez aussi. Moi, je me souviens, j'avais dit à des amis qui étaient certains à Strasbourg, d'autres à Lille, d'autres, je sais pas. Écoute, toi, tu t'occupes de collecter, je sais pas moi, 30 000 euros. Je dis, bah voilà, tu regardes avec les amis de tes parents, etc. Puis tu délègues aussi, tu divises la somme de 30 000 en 10 000, et puis chacun s'organise pour trouver ce qu'on peut, quoi. Et puis petit à petit, j'essaie de frapper à la porte de la manif pour tous. Et il commençait à se structurer, c'était tout début, c'était donc à l'automne 2012. Vous avez entendu parler d'un fou furieux à Bordeaux qui cherchait 1 million d'euros pour lever une armée. Et il voulait pas trop me recevoir en me disant mais c'est qui ce type? Et puis finalement, à force de frapper à la porte, ils ont fini par me recevoir. Et donc du coup, le réseau que j'avais commencé à monter, je dis bah écoutez, venez à la Manif pour tous, ils nous accueillent. Il faut mieux être commun, uni que dispersé. J'ai déposé les statuts de la Manif pour tous en Gironde. Donc on a organisé des manifestations ensuite hein, à Bordeaux. Et puis on s'est aussi occupé, matériellement organisé les transferts sur Paris. J'étais plus ou moins responsable de la négociation avec la SNCF pour réserver des trains entiers. Un train, c'était aux alentours de 90 000 euros. Donc on a affrété 3 trains. Bon, on s'est jeté dans cette organisation comme ça, sans aucun savoir-faire, du jour au lendemain, quoi. On se répartissait les rôles, hein, donc l'un s'occupait de déclarer ça à la préfecture, l'autre de la sécurité, les banderoles, les affiches, etc. Mais tout était fourni par Paris. Et puis pour collecter un peu de fonds, la Manif pour tous vendait ils avaient appelé ça des produits dérivés, donc des suites, des porte-clés, des foulards, etc., que l'on vendait pour essayer d'arrondir la cagnotte. Vous savez, on ne connaissait rien du tout. Hein. On n'était pas des professionnels, hein, donc on n'avait aucune idée. Déjà, pour quantifier, aucune idée, nous. Hein. On se dit, bon, vous savez, quand vous voyez une rue pleine, vous avez l'impression qu'il y a 100 000 personnes. Hein. Donc, vous avez l'impression qu'il y avait 100 000 personnes. Hein. Après, la police vous dit, mais non, il y a 5 000. Bon, alors, je ne sais pas trop. Bon, nous, on était contents de tout, quoi. Hein. Bon, voilà, c'était jamais assez, bien sûr, parce qu'on voyait toujours plus. L'appel est simple, il est fort, il est clair. Tous à Paris le 13 janvier prochain. Ouais. C'est déjà un début. Et voilà, ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense tout simplement et ne pas se laisser emporter par « de toute manière ça passera, à quoi bon ?» Le « à quoi bon » il nous entraîne vers le fond, quoi. Pourquoi je fais sonner les cloches ? Parce que je pense que l'Église doit manifester sa joie et même notre bâtiment. Et donc je dis c'est tout, tout le monde, la communauté, les vivants et les cloches. J'étais vraiment sur les starting blocks. D'ailleurs, les AFC, on s'est rendu compte qu'après en France, c'était quand même ce qui avait vraiment beaucoup porté le mouvement. Les AFC, bah, c'est par exemple à Grenoble, plusieurs centaines de familles adhérentes. En France, il y en a, je sais plus le chiffre en tête, mais c'est assez important. Et donc du coup, bah, on a forcément un réseau, donc on mobilise vite les gens. C'était la base un petit peu de communication et puis logistique. J'avais les contacts avec les médias, donc c'est-à-dire que de temps en temps on envoyait des communiqués de presse quand il y avait des choses à dire par rapport voilà ce qui était discuté à l'Assemblée ou des choses comme ça. Et puis on avait aussi une logique qui était de jamais lâcher le gouvernement. Donc dès qu'il y avait un déplacement officiel à Grenoble dans la région, on était là en fait. On était là avec nos drapeaux, nos pancartes et je pense que on était vraiment du poil à gratter quoi. jamais bien sûr manifesté, ni en tant que militaire, ni dans les premiers temps de ma retraite. Voilà, il y a une culture qui est celle de l'armée, mais comme d'autres milieux professionnels, dans cette culture-là, on n'a pas d'expression politique publique. Jean-Louis Gratte-Penche, manifestant. Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Je pense qu'il y a des choses sacrées dans une société. Et je pense que la famille en fait partie. La famille, c'est... Surtout quand la société n'est pas très accueillante. La famille, c'est vraiment le bien commun d'un petit noyau qui est capable de s'entraider dans les difficultés de la vie. Et c'est ce sentiment que quelque chose était touché qui était un contrat social et qu'il fallait dire que je n'étais pas d'accord. Et je fais l'effort de me déplacer à Paris puisque ça a été ma première manifestation d'aller à Paris. L'individu, il est pour vivre en groupe et je comprends des gens qui trouvent une solidarité de lutte. Et moi, je l'ai vécu par cette cause. Je ne connaissais personne. Pour autant, je ne me sentais pas isolé. Comment vous dire ? Dans ma vie militaire, il y avait des cérémonies. Les couleurs, les levées de drapeaux. Parfois, les hymnes aux morts. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, dans une cérémonie militaire, la sonnerie aux morts. Les jeunes diraient que c'est trippant. C'est très prenant. Vous avez l'épiderme qui... Voilà, vous avez la chair de poule, vous avez une émotion qui passe. Et c'est des sentiments qui nourrissent vos engagements, parce que vous vous dites qu'il y a quelque chose de plus que vous. Et là, j'ai eu le sentiment d'être dans quelque chose qui me dépassait, qui... Je ne parle pas de la France, parce que c'était bien sûr les Français, mais voilà, d'être dans une communauté nationale. Je dirais ce sentiment d'être dans une cause majeure, supérieure à nos vies personnelles. Et ça, c'est quelque chose qui vous dépasse. J'ai ressenti, vous voyez, la même chose dans un autre environnement qui était la manifestation du Trocadéro de soutien de M. Fillon. Vous avez une pluie, un quart d'heure avant, il n'y a personne. Vous vous dites, est-ce que c'est un bide ? Mais vous êtes quand même là. Vous sortez 10 minutes avant, et là, la place se remplit, le soleil arrive. Étonnant. Étonnant. Et donc on est arrivé au 24 mars, au-dessus de l'avenue de la Grande Armée, et là, on a l'idée de prendre un podium de Formule 1, avec la possibilité d'avoir 2 étages, et puis avec une vue qui domine. Bon là, il y a toute la droite qui se rue, hein. À la manif du 24, on a l'impression qu'on avait toute la droite avec nous, hein. Raffarin, j'ai vu tout le monde défiler. Pour une bonne preuve, c'est qu'en fait, j'avais pas du tout prévu de tente VIP, et que la veille, Frigide m'appelle en disant « Émile, mets-moi une tente, il y a plein de politiques qui vont venir », et que 2 copains avec qui j'avais pris un pot la veille, comme ils savent très bien dire « Oh, si t'as besoin d'aide, t'hésites pas ». Et là, je les appelle une demi-heure après, je leur dis « Vous foutez des costards, vous allez faire des courses à Picard et vous arrivez… » Ils étaient dégoûtés, et donc voilà, ça a défilé, et donc voilà, donc il y avait beaucoup de prises de parole, un très très grand écran qui reprend les images captation en live, un pupitre en plexiglas, quelque chose de très épuré, très sobre, avec des musiques un petit peu plus, que j'aime moins. Moi, j'aime pas les musiques wagnériennes, Hans Zimmer et tout, etc. Mais c'est ce qu'on entend dans les manifs de droite. Moi, ça m'a toujours saoulé, ces tambours et ces trucs à l'appui du fou. Mais c'est, de fait, c'est ce qui marche quand on lance quelqu'un. Donc, je fais un truc, je fais la bonne grosse manif de droite, quoi. Un peu plus, quoi. Et là, voilà, force est de constater que ça marche. Faisons en sorte qu'on ne le dirige pas. Voilà le choix de la vie. L'unité nationale pour la France et pas la division contre la famille. Merci à tous. Si, petite anecdote, quand on a le décompte, on ne sait pas combien on va pouvoir afficher. Et moi, j'aime pas trop l'annonce au micro. J'aime bien créer un gimmick vidéo avec la musique qui va bien, etc. Donc, je prépare des sujets de 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. Et au bout d'un million, je dis, faut quand même pas déconner, je fais les tranches de 200 000. Et donc, on a une intercom, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on a une ligne directe câblée auprès du QG. Et je les entends parler. Bon, moi, je suis quand même un sous-fif, donc je les laisse déblatérer. Bah alors, c'est quoi le comptage ? Bah écoute, on annonce combien ? 1 300 000. Et moi, je suis emmerdé. Je vois mes tutos. Je vois pas 300 000. Alors, je dis, Bah, j'ai ou 1 200 000 ou 1 400 000. C'est dire, bon, le côté un peu approximatif du truc. Et là, je me fais pourrir en live par Frigide. Mais 1000, mais qu'est-ce que tu fous, putain? Donc, bon, bref, finalement, on balance 1 400 000. Et donc, là, moi, je suis dans mon petit Algeco pourri derrière le podium. Je vois rien de tout ça. Et c'est quand même une sensation unique. C'est que je lance le top. Et donc, il y avait un décompte. Et ça s'arrête à 1 400 000. Et j'entends rien. J'entends rien, un silence, et je dis, mais il se passe quoi? Et d'un seul coup, alors que je me retourne, mais le sol tremble. Et en fait, c'est juste le délai, en fait, entre ce que la vidéo arrive et ce qu'elle soit transmise dans les trucs. Et puis, alors, ce qui était incroyable, c'est qu'on entendait les clameurs avec tous les répétiteurs, jusqu'à la scène, presque. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, compte se retourner contre les organisateurs de la manifestation de dimanche dernier, contre le mariage pour tous. Il va leur réclamer 100 000 euros au titre des dommages causés à la pelouse du Champ de Mars. Écoutez la réaction d'une des organisatrices de cette manifestation, la célèbre Frigide Barjot, à cette affaire de gazon maudit. Pour elle, la pelouse n'est pas détruite, il ne faut pas exagérer, elle le dit à Mélanie Fachin. Elle n'est pas complètement détruite. Enfin, attendez, ils ne sont pas des sauvages qui ont fait non plus une rêve partie voilà, et qui ont commencé à camper. Il y a 800 000 personnes minimum qui ont piétiné et qui sont passées par flux jusqu'à faire 1 million de personnes. Oui, bah oui, ça peut abîmer l'herbe qui repousse. Nous sommes prêts à replanter brin d'herbe par brin d'herbe pour préserver l'herbe. Mais nous le ferons tout en continuant de réclamer aussi à préserver les générations futures par le président de la République. On peut pas en même temps dire qu'on n'était pas 1 million et en même temps qu'on a saccagé le Champ de Mars. Voilà. Hein? Alors déjà, il va falloir être cohérent. Donc d'abord, moi j'attends qu'on reconnaisse, qu'on fasse le compte des personnes et après on fera, nous, le compte des factures. La question du nombre, elle est très importante. Tout d'abord, pour ceux qui se sont retrouvés dans les cortèges, l'expérience de la mobilisation, ça les a réassurés dans leur identité. On a des catholiques qui ont développé depuis les années 90 un profond sentiment de déclassement symbolique. Et du coup, se retrouver si nombreux dans des manifestations festives qui vont vraiment bousculer le gouvernement, ça leur donne tout à coup un sentiment de force. Ça leur donne le sentiment qu'ils ne sont plus rien, qu'ils sont encore quelque chose, qu'ils sont peut-être une minorité, mais pas n'importe quelle minorité, une minorité qui a des ressources d'action considérables, et qu'il faut donc jouer cette carte de la minorité active. Je sais pas, on a manifesté pendant des mois et des mois. Je vous raconte pas le temps qu'on y a passé, l'argent qu'on a déboursé pour... Enfin voilà, c'était quand même un très gros investissement, et les gens ne baissaient pas les bras, en fait. Et il y avait un mot d'ordre qui était « on ne lâche rien ». Ouais, on était très très mobilisés, quoi. Ça nous a vraiment pris énormément de temps et d'énergie. À chaque fois, j'ai trouvé ça toujours très joyeux, en fait. On rigolait beaucoup, et au fur et à mesure quand même des mobilisations, il y avait beaucoup de colère quand même, vis-à-vis de... un peu du mensonge qu'on prenait en pleine figure, quoi. De la caricature qu'on voulait faire de nous, et puis du gouvernement qui était complètement de mauvaise foi, en fait. Ça, et la colère quand même était assez profonde. Et puis un peu du dégoût quand même aussi, de se dire qu'on se faisait vraiment avoir, quoi. La Manif pour tous, en novembre 2012 et en janvier 2013, elle a d'importants succès de rue. C'est une mobilisation qui prend bien. Donc on a un mouvement assez large. Mais la ligne de Frigide Barjot, elle est à la fois la cause d'un succès, mais elle va devenir très vite contestée pour deux raisons. Tout d'abord, elle est contestée parce que, au sein des gauches et au sein du gouvernement, il y a une stratégie de contre-mobilisation, hein, donc de délégitimation de ce mouvement qui est en cours, au nom du catholicisme de ses membres et de dénonciation de l'homophobie, de cette manifestation. Et puis, en interne, vous avez l'aile la plus à droite, l'aile la plus conservatrice, qui constate le succès des mobilisations, qui se dit que finalement les catholiques représentent une force sociale et qu'il est dommage de ne pas assumer cette puissance sociale en tant que telle. Ces catholiques se disent il faut assumer un discours confessionnel, il faut assumer notre identité catholique, il faut assumer aussi notre rejet de l'homosexualité. Et donc on a une tension qui est relativement souterraine, qui se fait au sein du mouvement. Et cette tension, je vais dire, elle va devenir de plus en plus forte au fur et à mesure que le vote de la loi approche et que le mouvement se mobilise sans parvenir à faire reculer la loi Taubira. Et dans le cadre de cette tension, eh bien, la ligne, très cool, apparaît comme une ligne qui n'est plus adaptée. Brigitte Bardot s'engage publiquement en faveur d'une union civile pour les personnes homosexuelles et pour une grande partie de sa base, c'est une forme de défaite symbolique absolument inacceptable et par conséquent, lors d'une manif à Lyon, Brigitte Bardot se fait siffler et très rapidement, elle est marginalisée et au mois de mai, elle ne défile plus avec le mouvement. Ils étaient une centaine rassemblés sur le parvis de la Défense, des pères et des mères de famille, toujours aussi remontés contre le mariage homosexuel. Certains sont venus de Rennes avec leurs enfants. Ils ont marché près de 400 km jusqu'à Paris, accueillis à leur arrivée par Brigitte Bardot. Demain, la porte-parole de la Manif pour tous ne participera pas au défilé, car elle a reçu, dit-elle, des menaces très sérieuses lancées par des militants d'extrême droite. Brigitte, avec nous ! Brigitte, avec nous ! Je voudrais que vous sachiez que je suis tellement de tout cœur avec vous, vraiment de tout cœur. Mais qu'aujourd'hui, les menaces sont vraiment très précises sur ma personne. On ne va pas répondre à cette montée des extrêmes. Je m'étais un peu attachée au personnage, en fait, pour être franche. Je l'ai trouvée attachante. Et puis j'aimais bien parce qu'elle dérangeait un peu les gens, voilà, qui voulaient toujours rester un peu dans les clous, tout ça. Donc j'aimais bien finalement. J'ai un peu lâché en fait. Bon, après j'avais beaucoup moins de temps, voilà, j'ai repris le travail, tout ça. Donc j'ai un peu baissé les bras. Je pense qu'on a un peu perdu, honnêtement. Bah en fait, les opposants, en fait, ils ont bien fait leur job, c'est-à-dire qu'ils nous ont vraiment coincés dans une case de méchants, quoi. Aujourd'hui, c'est très très très mal vu de dire qu'on a soutenu la Manif pour tous. Ma fille a hérité d'un sweat la Manif pour tous. Je lui dis, tu sors jamais avec, quoi. Franchement, aujourd'hui, c'est très très. Bah, on est traité de fascistes, quoi. Donc c'est dangereux. L'expérience de la mobilisation, elle va laisser un mauvais souvenir dans le catholicisme, je crois. Elle va laisser le souvenir de division, justement. C'est Marion Maudet qui avait interrogé des jeunes catholiques dans sa thèse, qui disait qu'au début, voilà, c'était le côté festif de la Manif pour tous, etc. Ils y avaient adhéré, donc ils avaient participé aux premières manifestations, ils avaient l'impression de quelque chose d'assez joyeux. Et puis qu'ensuite, ce durcissement, les divisions internes que ça avait provoquées dans le monde catholique qui était le leur, ils les en avaient fortement éloignés. Dans les rangs de l'Assemblée, 331 voix pour, 225 contre et 10 abstentions. Ambiance de Coupe du Monde de foot dans le Marais, le fief parisien de la communauté gay. Et en revanche, les opposants manifestaient leur mécontentement aux abords du Palais Bourbon. Si on parle mystiquement, moi je pense que le combat est gagné, puisque moi je suis catholique, donc je pense que le monde est sauvé et que Dieu nous a sauvés. Donc que le combat est parfaitement gagné et éternellement gagné. En revanche, après factuellement, temporellement, dans un agenda politique, j'ai vécu malheureusement plus de défaites que de victoires. On n'a plus dans le cœur même l'idée de gagner, quoi. Mais plutôt l'idée de se faire honneur et l'idée de dire, bon, dans l'histoire, je fais partie des gens qui, factuellement, formellement, ont posé physiquement un geste montrant qu'ils désapprouvaient l'orientation que la prenait la société. Il y a un côté de l'ordre de « je veux pas dire à mes enfants que j'étais pas présent ». Voilà. Cette expérience des mobilisations, elle a permis une recharge identitaire, une recharge d'énergie militante chez énormément de catholiques. Et d'ailleurs, ça s'est vu par la suite, à travers tous les mouvements qui ont été créés, les mouvements politiques, les revues qui ont été créées suite à la Manif pour tous. Elle aboutit aussi à une recharge de la valeur ou de l'intérêt du catholicisme auprès des élites politiques. La droite a perdu l'élection présidentielle et les élections législatives de 2012. Et c'est à travers la contestation de la Manif pour tous que les partis de droite vont pouvoir revenir sur le devant de la scène et construire leur image de mouvement d'opposition. au sein des partis, beaucoup se disent il ne faut pas négliger cet univers catholique qui a des ressources militantes considérables. Et par conséquent, il va y avoir des ouvertures au sein des partis faites à l'égard des catholiques. Lors des élections européennes qui suivent, il y a des candidats liés à la Manif pour tous qui sont intégrés à quasiment toutes les listes de droite. Au sein de l'UMP, il y a un jeune parti politique, Sens commun, qui est très vite intégré par Jean-François Copé au parti. Ça a été une expérience extrêmement importante qui a abouti à une inversion du stigmate. Jusqu'alors, les catholiques n'avaient pas de foi dans la valeur sociale et politique de leur identité en tant que catholiques. Après la Manif pour tous, un nombre croissant de catholiques estiment qu'être catholique, c'est un atout en politique, c'est représenter une force, et ils vont se réinvestir, donc, en assumant leur ancrage confessionnel. Un militantisme comme ça réussit, on sait très bien, il faut qu'il se désenclave. Ça, c'est un truc classique en sociologie des mouvements sociaux. Et là, le désenclavement, il se fait notamment par des alliances politiques avec la droite. Et ces alliances, elles vont préfigurer ensuite, une fois la loi votée, hein, et donc l'échec de la mobilisation, du moins sur les questions d'accès au mariage des couples de même sexe et d'adoption, ben, il va y avoir des mobilités, des reconversions en politique d'un certain nombre de ces militants, militantes, notamment parmi les plus jeunes, qui vont faire leur entrée en politique. Moi, je parle toujours de nébuleuse militante parce que, d'abord, la Manif pour tous, c'est un agrégat de mouvements dont certains existaient déjà et puis de mouvements qui ont émergé à ce moment-là. De cette nébuleuse militante sont issus toute une série de groupes qui sont quand même des groupes numériquement très, très restreints. Hein. C'est vraiment, on est là sur des groupes très, très minoritaires, mais qui ont été très habiles dans une stratégie d'occupation de l'espace public. Et ça, c'était ce qu'avaient fait les veilleurs, des sortes de rassemblements pour continuer à occuper l'espace public, à se rendre visible dans cet espace public. Vous avez aussi le mouvement des Sentinelles, le groupe des Antigones. Enfin, il y a comme ça une espèce de foisonnement militant qui puise dans des répertoires militants très variés, n'hésitant pas parfois à aller emprunter à la culture militante de gauche, hein, mais aussi puisant dans des formes de présence qui sont purement catholiques. Les veilleurs, c'est la veillée, et la veillée, c'est avec les bougies, etc. On est dans un répertoire qui est clairement religieux. Il y a des échecs à court terme qui sont des réussites idéologiques et porteuses de réussites ultérieures. Quand vous avez fait la Manif pour tous, que vous constatez que la loi a été votée indépendamment de ce grand mouvement de mobilisation, grand en termes de participation, en termes de durée, en termes de... Mais vous vous dites que il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut poursuivre ce combat dans la voie politique. Et c'est là que moi j'ai décidé de prendre un engagement politique. Je me suis engagé auprès du mouvement Sens commun. J'ai fait partie également des Sentinelles, c'est-à-dire un mouvement qui est silencieux, debout, en distance de 1 mètre, devant la mairie de Bordeaux. Quand il pleut, quand il fait froid, quand vous avez mal au dos et qu'au bout de... Ouais, vous tortillez un petit peu. Ça permet d'approfondir ce pourquoi on est là, quoi. C'est ça qui fait les engagements dans la durée. Oublier le temps qu'on donne, oublier l'argent que ça peut coûter, ou ça refonde. Ça fait des racines. C'est comme l'hiver, hein. Vous savez, la végétation, il y a des moments où ça bourgeonne et des moments où ça fait des racines. Ce temps de silence est un temps de racines. Ça fait bientôt 10 ans que ce mouvement se poursuit et organise des mobilisations qui, sans être au niveau des premières mobilisations, surtout des plus grandes, ça doit être janvier 2013, restent des mobilisations importantes. Et cela veut dire aussi que depuis 10 ans, on a eu une succession de générations qui ont bénéficié de cette expérience de rue comme socialisation militante. Or, il ne faut jamais oublier que dans la société française, la disposition au militantisme, la disposition à l'engagement, c'est toujours quelque chose de très rare. Si l'univers catholique a acquis, grâce à ces manifestations, une très forte capacité à l'engagement militant, cela signifie que, malgré, on va dire, la marginalisation sociale du catholicisme en termes de pratiques religieuses, le catholicisme va rester présent dans la vie politique encore de nombreuses années, probablement. De fait, la société a perdu sa foi, enfin la France a perdu sa foi en Dieu. Elle a perdu sa, du coup, avec elle, sa, la conviction qu'on est des créatures et qu'on a un ordre naturel, enfin qu'on est, du coup, on a un ordonnancement, voilà. Et passé cela, c'est plus par la logique qu'on refera découvrir ça à nos contemporains. C'est par l'expérience de la charité. Et que maintenant, il faut donner la preuve que Dieu existe par son exemple et par le bien qu'on fait. C'est des villages écolos, c'est des cohabitations avec les SDF, c'est des écoles hors contrat. C'est ça, moi, que j'accompagne maintenant. C'est du hacking social, quoi. Dans les replis militants, on voit un certain nombre de personnes qui vont se replier sur la question de l'écologie, dite écologie intégrale. Hein. C'est un terme qui est employé par le pape François lui-même, dans l'encyclique Laudato Si, la grande encyclique environnementaliste. Et dans ce texte-là, le pape François a vraiment des positions qui font vraiment écho à l'écologie politique sur la question de la déforestation, du changement climatique. Mais en même temps, il y a aussi l'écologie intégrale, c'est aussi la défense de l'embryon. C'est cette idée qu'il faut défendre l'humanité comme on défend la forêt amazonienne. L'humanité étant menacée par le mariage des couples de même sexe, etc., etc. Donc, c'était mettre sur le même point la défense de la création dans son ensemble, donc à la fois dans sa dimension environnementaliste classique comme on l'emploie, mais aussi la défense de l'humain au sens de la bioéthique catholique. Donc ça, c'est un des replis possible avec un engagement qui est aussi à géométrie variable hein, autour de cette fameuse écologie intégrale, à la fois des engagements qui peuvent masquer un engagement qui est d'abord pour une écologie humaine, c'est-à-dire centrée sur les questions de bioéthique, mais aussi un véritable appropriation des thématiques environnementales autour de la décroissance, avec des modes de vie aussi, une écologie du quotidien dans des éco-hameaux, etc., qui là, pour le coup, décale quand même cette militance dans un engagement de type plutôt écologique. Alors ensuite, avec le temps, il y a aussi bien sûr des doutes qui émergent au sein du mouvement. Moi, je me souviens avoir questionné un certain nombre de manifestants à l'occasion d'une des dernières manifestations donc contre le projet de loi bioéthique et qui disaient leur lassitude des manifestations, qui avaient conscience que ça ne servait pas à grand-chose. Mais en même temps, ils avaient aussi des ressources religieuses qui leur permettaient de résister à ce découragement et à cet échec apparent en disant que finalement, s'il défilait, c'est indépendamment d'une recherche d'efficacité politique, c'était aussi pour donner le témoignage de ce qui, pour eux, est la vérité de l'amour, la vérité de la loi naturelle. Donc, vous voyez, on voit bien à quel point la mobilisation à la fois peut mettre à distance l'ancrage religieux de ses membres et en bénéficier à certains moments. Parce qu'il y a des ressources religieuses propres pour se mobiliser. Elles permettent, entre autres, de se mobiliser indépendamment de toute efficacité politique apparente. Il y a un dicton qui dit « Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines ». Donc il est clair que les graines ont germé et que, je dirais, une autre génération de militantisme est apparue, qui faisait d'ailleurs peur à la droite dans laquelle nous militions en termes politiques, parce qu'ils voyaient bien que nous y venions non pas pour des intérêts, non pas pour des places, pour des mandats, mais nous y venions pour des idées, des valeurs, et pour quelque chose, des causes. Et c'est très dangereux un militant qui vient pour des causes dans un monde politique. Elles sont nombreuses, les personnes autour de vous qui ont fait le même chemin que vous ? Alors, en pourcentage de la Manif pour tous, non. Mais quand vous prenez un petit peu de 1 million, ça fait quand même beaucoup. La Manif pour tous. Une émission d'Adila Benedjaizou, réalisée par Annabelle Brouard. Avec Céline Béraud, Yann Raison du Clesiou, Émile Duport, Madeleine, Jean-Louis Gratpanche et Édouard Duparc. Prise de son, Jacques Hubert, Audrey Guélil. Mixage, Antoine Viossa. Merci à Fabien Jobard. La série documentaire, attachée d'émission Marie-Vonne à Bolivier, coordination Perrine Kervran. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à l'église, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Anaïs Morales et Annelise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Jeudi, dernier épisode, demain, l'émeute. Mais en attendant, restez à l'écoute.